L'empereur le nomma prince et lui donna le titre de Wen Qingkong. Le père de Lian Tusun, qui vivait sous l'étang, ayant appris que son fils avait été nommé Zhangqing, il en éprouva un vif déplaisir. Ma famille, lui dit-il, ne comptait jusqu'ici que de simples lettrés, et voilà que tout à coup vous arrivez à ce haut point de fortune et d'honneur. Je ne sais pas comment cela finira. Tusun ne fit nulle attention aux paroles de son père. Il finit par perdre sa charge. Quand Chongfang eut reçu la dignité de Tai Chao, sa réputation s'étendit au loin dans l'empire. Sa mère en fut affligée et lui dit « Je vous engage à toujours à ne point chercher une vaine célébrité. Maintenant que vous êtes connu de tout le monde, vous ne pourrez trouver de repos nulle part. » Fang ne tint aucun compte des avis de sa mère et il finit par perdre sa réputation. On voit par là qu'il ne faut point s'appuyer sur la faveur des princes. C'est pourquoi les lettrés regardent l'amour de nous-mêmes comme ces maladies que l'on contracte à force de manger des mets exquis. Les bouddhistes regardent les marques de respect et les émoluments qui accompagnent les charges comme des ennemis caressants qui nous flattent pour nous perdre. Lorsqu'on compare les paroles des saints hommes qui appartiennent aux trois religions, on dirait qu'elles sont sorties d'une seule et même bouche. Accorder des bienfaits sans en attendre de récompense. Commentaire. Les mots Shingen veulent dire accorder des bienfaits aux autres hommes. Pukyo Pao 3-4-5. C'est ne point espérer que les autres hommes nous récompenseront ou nous témoigneront de la reconnaissance. Si vous accordez des bienfaits aux autres hommes, vous montrez que vous aimez à faire des actions méritoires, mais si vous avez l'intention d'obtenir par là une récompense, vous n'agissez plus que par un intérêt sordide, vous n'acquérez pas le plus léger mérite, et il vaudrait même mieux que vous ne donnassiez rien du tout. Histoire. L'empereur Wuti, de la dynastie des Liang, dit un jour à un religieux nommé Tamegaok Tetsuse. Toute ma vie, j'ai aimé à accorder des bienfaits aux hommes. Ai-je acquis des mérites? Aucun, lui répondit celui-ci. Vous aviez l'intention d'en obtenir une récompense, et dès lors ces bienfaits intéressés n'étaient plus des actions méritoires. Liang Shangchang, qui vivait sous la dynastie des Han, partagea entre ses frères ses appointements et les récompenses qu'il avait obtenues dans deux combats. Une grande disette étant survenue, il fit distribuer aux quatre portes de la ville du bœuf, du riz, du sel, des légumes et de l'argent, et ne demanda point les noms des pauvres qu'il avait secourus. Cao Lingfu, du département de Yingfu, avait amassé plusieurs milliers de boisseaux de grains. L'année ayant été stérile, quelques personnes lui conseillèrent de vendre ses grains. Ce serait, dit Cao, profiter du malheur public. D'autres personnes l'engagèrent à distribuer du riz cuit. Ce serait, dit-il encore, rechercher la réputation d'homme bienfaisant. Il tira tous les grains de ses greniers et loua des ouvriers pour ouvrir une route de 40 li, 4 lieues, depuis le district qu'il habitait jusqu'au lac Taiyu. Ensuite il creusa le bassin de la rivière Li, dans une étendue de 8 lieues, et fit communiquer la rivière Ngoaki avec le lac Qingzi. Les habitants pauvres de la ville vinrent à l'envi lui demander du travail, et obtinrent tous des moyens d'existence. Ainsi, tout en secourant le peuple, il fit construire des routes et des canaux qui devinrent pour le pays une source de prospérité. Dans la suite, Cao vécut jusqu'à l'âge de 90 ans, et ses fils et ses petits-fils furent tous élevés aux honneurs. Le docteur Yu Yuqin était fort habile dans l'art de la médecine. Il y avait un pauvre lettré qui était dangereusement malade et dont la vie était dans un état désespéré. Qin lui donna ses soins et lui rendit la santé, sans lui demander la plus légère rétribution. Quelque temps après, Qin passa par hasard devant sa porte, et comme la nuit approchait, on le retint couché. Le lettré qui l'avait guéri étant absent, sa belle-mère dit à sa femme : « Cet homme est le médecin qui a sauvé la vie à votre époux. Que n'allez-vous passer la nuit avec lui, pour le récompenser de ses soins et lui témoigner votre reconnaissance ?» La jeune femme obéit, et alla trouver l'étranger au milieu de la nuit. « Cela ne se peut pas, » lui dit Qin. Celle-ci ayant employé les instances les plus pressantes pour partager son lit, Qin les repoussa de nouveau en disant « Puko, cela est impossible. » Quelques instants après, il fut sur le point de céder à ses sollicitations. Quand elle fut partie, il se leva et écrivit sur sa table. Les deux mots « Puko, cela est impossible » sont bien difficiles à mettre en pratique. Dès que le jour fut venu, il quitta la chambre et partit. Dans la suite, le fils de Qin se présenta au concours. Le président voulait rejeter sa composition, lorsqu'il entendit une voix qui lui disait « Puko, cela ne se peut pas ». Il la regarda une seconde fois, et voulut encore la rejeter, et il entendit de nouveau la même voix qui lui disait « Puko, cela ne se peut pas, cela ne se peut pas ». Quelques instants après, il regarda une troisième fois cette composition, et prit la ferme résolution de la rejeter, lorsqu'il entendit crier à haute voix. Les deux mots « Puko » sont bien difficiles à mettre en pratique. Le président du concours se vit obligé d'admettre cette composition, et accorda au fils de Qin le grade qu'il sollicitait. Quand on eut publié la liste des candidats qui avaient réussi au concours, il prit des informations exactes, et parvint à connaître l'aventure du docteur Qin. On voit par cette histoire que ceux qui font le bien sans chercher à en être récompensés, le sont toujours dans l'autre monde. Les anciens disaient, « Quoi que vous dispensiez des bienfaits à une foule de personnes qui ne les ont point mérités, il arrive un temps où ils se réunissent tout à coup et deviennent pour vous une source de bonheur. » Ils disaient encore, « Ne faites point naître de haine ni de ressentiment contre vous. Il est à craindre que vous ne rencontriez votre ennemi dans un chemin étroit et que vous ne tombiez sous ses coups. » Ces maximes renferment de grandes vérités. Donnez sans en éprouver de regrets. Commentaire. C'est une bonne action que de faire part aux autres de ses richesses. Mais si, après avoir donné, vous ne pensez à cette action que pour en éprouver du regret et du repentir, alors, votre bonne intention disparaît, et vous perdez le mérite que vous aviez acquis. Histoire. Sous la dynastie des Song, vivait un homme originaire de Meishan, et nommé Su Chongqiuan. Dans une année de famine, il vendit des terres pour secourir les indigents. L'année suivante ayant été abondante, les hommes qui l'avaient soulagé vinrent tous lui rendre ce qu'il leur avait donné. Il ne voulut rien recevoir. Il vendit aussitôt son patrimoine et le dépensa en aumônes. Il endura à son tour les rigueurs de la faim et du froid, mais il n'éprouva aucun regret de sa libéralité. Dans la suite, son fils Xiu et ses neveux Suxi et Suqi se distinguèrent par leur talent littéraire et par une vertu à toute épreuve et furent élevés à des charges éminentes. Su Chongqiuan eut le bonheur de voir sa seconde génération. Un homme de la province de Jiangxi, nommé Shu Wenji, s'arrêta dans une hôtellerie de la province de Hukuang. Comme il s'en retournait dans son pays, Il vit un jour une femme qui fondait en larmes et s'abandonnait à la plus vive douleur. Il lui en demanda la cause. « Mon mari, lui répondit-elle, est accablé de dettes, et il veut me vendre pour les acquitter. J'ai plusieurs enfants en bas âge qui, privés de mes soins, sont menacés d'une mort certaine. Voilà la cause de mes pleurs et de mes gémissements. » ONG lui demanda à quelle somme se montaient les dettes de son mari. À 13 onces d'argent, lui répondit-elle. Tous les hommes de notre bateau, lui dit ONG, sont des habitants du Kiangxi. Si chacun d'eux donne une once d'argent, vous serez bien vite hors d'inquiétude. Allons, ne pleurez plus. Il alla au bateau et informa les passagers de la promesse qu'il venait de faire à cette femme. Tous gardèrent le silence. Alors ONG lui donna seule la somme entière. 3 jours avant qu'il arrivât dans son pays, les vivres se trouvèrent épuisés. Les autres hommes achetèrent du riz avec l'argent qu'ils avaient amassé, mais le sac de ONG était vide. La plupart d'entre eux se moquèrent de lui. Il y en eut cependant qui eurent pitié de lui et l'invitèrent à venir partager le repas. ONG accepta leur offre, mais il n'osa satisfaire sa faim. Quand il fut arrivé chez lui, il dit à sa femme, « J'ai enduré la faim pendant 2 jours, hâtez-vous de faire cuire du riz. » « Je n'en ai point, » lui répondit-elle. « Eh bien, allez en emprunter chez le voisin, » lui dit son mari. « J'en ai déjà emprunté une grande quantité, » repartit sa femme. Et j'attendais justement votre retour pour le rendre. Comment oserais-je aller en emprunter encore ? ONG raconta à sa femme comment il avait donné tout l'argent qu'il possédait à une femme qu'il avait rencontrée en route. En ce cas, lui dit sa femme, je saurai trouver une espèce de riz qui ne manque jamais aux indigents. Elle alla sur la montagne voisine, et cueillit quelques herbes amères qu'elle fit bouillir avec leurs racines. Ils les mangèrent ensemble et apaisèrent leur faim. Le soir étant venu, ils se mirent au lit. Tout à coup ils entendirent dehors une voix qui leur criait, « Tirekedratin ce soir, vous avez mangé des herbes amères, l'année prochaine, vous aurez un fils qui obtiendra le titre de Tkoangyuan, le premier rang sur la liste des docteurs. » L'année suivante, ils eurent en effet un fils, à qui ils donnèrent le nom de Fen, et qui, après avoir obtenu le titre de Tkoangyuan, parvint au rang de ministre d'État. ONG lui-même fut nommé par l'empereur membre du tribunal de la magistrature. Les hommes que nous venons de citer ont fait l'aumône et ont même souffert les rigueurs de la faim, sans en éprouver le moindre regret. C'est pourquoi le ciel les en a récompensés en les comblant de bonheur. Voilà ce qui s'appelle être un homme vertueux. Commentaire. Cette phrase résume le texte précédent. Depuis les mots policiers King, ne foulez pas un sentier tortueux, jusqu'à ce passage, nous avons vu une série de bonnes actions à faire. Celui qui est capable de mettre en pratique ses bonnes actions, mérite le titre d'homme vertueux. Quand il a acquis le titre d'homme vertueux, le ciel ne manque jamais de l'en récompenser, en lui envoyant toutes sortes de bonheur. Tous les hommes le respectent. Commentaire. Quelle récompense obtient l'homme vertueux ? Il est vrai que l'homme vertueux fait le bien sans espérer d'obtenir par là l'estime et le respect des autres. Cependant, comme tous les hommes ont reçu du ciel un sentiment d'honnêteté et de droiture, lorsqu'ils voient un homme véritablement vertueux, ils se sentent portés à l'estimer, à le respecter et à le chérir. Histoire sous la dynastie des Ming, dans les années Qingtong, L'eunuque Wang Qin avait entre ses mains la puissance suprême, et tous les fonctionnaires publics étaient empressés à lui obéir. Un seul magistrat, nommé Xie Kongxiuan, refusa de suivre leur exemple. Wang Qin fit peser sur Xie Kong une fausse accusation et le condamna à mort. Un jour, lorsqu'il était sur le point de faire mourir Xie Kong, il vit un vieux domestique qui avait toute sa confiance pleurer devant la cuisine, en donnant les marques de la plus vive douleur. Wang Qin lui en ayant demandé la cause, « J'ai appris, répondit-il, qu'aujourd'hui vous alliez faire périr Xie Kong. » Quelle espèce d'homme est donc Xie Kong, lui repartit Wang Qin, pour que tu pleures ainsi sur son sort? Le domestique lui fit connaître, dans les plus grands détails, l'intégrité, le désintéressement et la bienfaisance de Xie Kong, qui le faisait regarder comme l'homme le plus sage de son siècle. Wang Qin, touché de ce récit, envoya l'ordre d'épargner la vie de Xie Kong et de le mettre en liberté. On voit par le trait que nous venons de raconter, à quel point un homme droit, un vrai sage, sans chercher à être connu des hommes, peut devenir connu même d'un esclave, d'un serviteur obscur, et s'attirer son respect et son affection. Ne peut-on pas dire avec raison, qu'à la vue d'un sage, la bonté native de l'homme s'éveille d'elle-même, et se produit au dehors par ses heureux effets? La Providence le protège. Commentaire. Le mot Yu, 3, veut dire assister, protéger. On dit communément, la Providence n'affectionne personne en particulier, mais elle favorise toujours les hommes vertueux. En effet, les actions de l'homme vertueux s'accordent avec les intentions du ciel, et c'est pour cette raison que le ciel l'assiste et le protège. Histoire. Liu Qichi, qui vivait sous la dynastie des Song, s'acquittait de sa charge avec une droiture à toute épreuve, et il avait le courage de dire la vérité à l'empereur. Il lui représenta, dans plusieurs rapports, que Chang Chen était un homme médiocre, qui ne méritait pas d'être employé à son service. Chang Chen ayant été appelé aux affaires, exila Liu Qi dans une contrée lointaine, et l'obligea à s'y rendre par un chemin dangereux et dans la saison la plus chaude de l'année. Liu Qi vogua longtemps sur la mer et courut les plus grands périls. Tout le monde disait qu'il périrait infailliblement dans le trajet, et il arriva sain et sauf. Il envoya un homme pour sonder les intentions de Chang Chen, et il apprit que celui-ci avait le désir de le faire mourir. Chen ayant été nommé juge du tribunal suprême auquel il était déjà attaché, partit immédiatement pour le pays où il avait exilé Liu Qi. Il n'en était plus éloigné que de 20 lis, lorsqu'au milieu de la nuit qui précédait le jour de l'exécution, il entendit soudain le son d'une cloche. Tout son argent fut pillé, et il mourut en vomissant des flots de sang. C'est ainsi que la Providence protégea Liu Qi et empêcha qu'il ne périsse sous les coups des méchants. Le père de Xie Qing avait consacré toute sa vie à soulager les hommes et à faire du bien à toutes les créatures avec un zèle infatigable. Un homme de son pays, qui avait la charge de Wei Kuan, devait à l'État une somme considérable et était sur le point de vendre sa femme pour la acquitter. Il répondit pour lui et remboursa toute la somme. Dans la suite, comme il cherchait un endroit pour enterrer son père et sa mère, un géome ancien lui conseilla de choisir une caverne qui se trouvait dans la propriété du magistrat dont il avait autrefois payé les dettes. Il donna la somme nécessaire pour acheter ce terrain et vint y enterrer ses parents. Au moment où il allait les inhumer, il se forma un peu plus haut une autre ouverture, d'où s'échappèrent des torrents de pluie, au milieu des tonnerres et des éclairs. Aussitôt il eut un fils, nommé Wuqing, qui fut élevé à la charge de moniteur impérial. Wu Qing eut 4 ou 5 frères, qui obtinrent tous le grade de docteur. C'est ainsi que la Providence accorde à ceux qu'elle protège des richesses et des honneurs. Le bonheur et les emplois l'accompagnent. Commentaire. Les anciens disent, le bonheur et les emplois sont le lot de l'homme vertueux. Dès que vous avez acquis le titre d'homme vertueux, le bonheur et les emplois vous suivent pour vous récompenser. Le mot sui, 3, suivre, marcher à la suite de, indique que l'homme vertueux obtient naturellement ce bonheur et ses emplois, sans se donner la peine de les chercher. On voit que quelque chose que fasse l'homme vertueux, toute espèce de prospérité et d'avantage, semble le suivre et l'accompagner. Histoire. Tongyong, qui vivait sous la dynastie des Han, était réduit à une extrême pauvreté. Ayant perdu son père, il se vendit afin de gagner, par son salaire journalier, de quoi l'enterrer et lui élever un tombeau. Le maître du ciel eut pitié de lui, et lui envoya la déesse Qinyu pour qu'elle devint sa femme. Elle lui tissa chaque jour une pièce de soie, jusqu'au moment où elle put le racheter. Après quoi elle lui donna un fils, et remonta au ciel. Sous le règne de Qing Ti, Tongyong se distingua par sa piété filiale et son désintéressement, et obtint le grade de docteur, et fut élevé à la charge de Chongwei. Son fils, Chongshu, devint ministre du roi de Qiangtu. Ainsi, le bonheur et les emplois ont accompagné Tongyong, parce qu'il avait rempli les devoirs de la piété filiale. Peitu, qui vivait sous les Tang, avait été plusieurs fois exclu des concours. Un devin lui dit, « Si vous n'arrivez pas aux honneurs, vous êtes destiné à mourir de faim. » Dans la suite, comme il se trouvait dans un temple, il ramassa un paquet et attendit au même endroit pour le rendre à la personne qu'il avait laissée. Le lendemain matin, une femme vint en effet le chercher. Peitu l'ayant interrogé, elle lui dit, « Mon père est en prison pour avoir commis un crime. Hier je m'étais procuré 2 ceintures, l'une en jade, et l'autre en corne de rhinocéros, afin de racheter la peine de mon père, mais j'ai eu le malheur de les perdre. C'en est fait de lui. » Peitu lui rendit sur le champ les objets qu'elle avait perdus. Dans la suite, il fut élevé à la dignité de ministre, et reçut le titre de prince de Zin. Il vécut 76 ans, et eut 5 fils qui obtinrent des charges éminentes. Sous la dynastie des Ming, un ami de Yuan Liu Guang avait un jeune domestique rempli de finesse et d'habileté. Yuan soupçonna qu'il voulait attenter à la vie de son maître, et avertit son ami, qui ne put s'empêcher de le chasser. Un jour que celui-ci se reposait dans un temple, il aperçut, dans l'angle d'un mur, une soutane toute déchirée, dans laquelle se trouvaient plusieurs centaines d'onces d'or et d'argent. Il se dit en lui-même, que ma destinée est malheureuse. Je suis réduit à la condition d'esclave, et encore me voilà chassé par mon maître. Si je m'empare de cette somme, le ciel me poursuivra avec une nouvelle rigueur. À ces mots, il s'assit en attendant la personne qui avait laissé cet argent. Quelque temps après, il vit accourir une femme qui lui dit en pleurant, « Mon mari a commis un crime qui entraîne la peine de mort. Hier j'ai vendu mes propriétés et j'ai même emprunté de l'argent pour gagner le Qiyi et obtenir la délivrance de mon mari. Si je ne retrouve pas aujourd'hui la somme que j'ai perdue, c'en est fait de sa vie et de la mienne. » Le domestique lui rendit la somme entière. La femme, touchée de cette belle action, alla la raconter à tout le monde. Le Qiyi l'interrogea, et fut rempli d'admiration en entendant son récit. Il prit le jeune domestique chez lui, et comme il était fort avancé en âge et qu'il n'avait point d'enfant, il l'adopta pour son fils, et lui transmit l'héritage de sa charge, qui le rangeait parmi les magistrats de troisième classe. Ainsi le bonheur et les emplois ont accompagné ces deux hommes, parce qu'ils avaient restitué des objets perdus. Dans les années Qiaxing vivait un homme de Taicheu, nommé Ying, qui devint président des six tribunaux suprêmes. À l'époque où il n'avait encore obtenu aucun degré littéraire, il se livrait à l'étude au milieu des montagnes. Pendant la nuit, il entendit un démon qui disait « Tel homme et telle femme pressent leur bru de se remarier, parce que leur fils ne revient point d'un voyage qu'il a entrepris depuis longtemps. Demain soir, elle doit venir en cet endroit pour se pendre. Je pourrai entrer dans son corps et en prendre possession. » Ying, ayant entendu ces paroles, vendit une portion de terre dont il tira 4 onces d'argent. Il fabriqua une lettre, que le fils absent était censé écrire à ses parents, et par laquelle il leur annonçait l'envoi de cette somme d'argent et son prochain retour. Le père et la mère conçurent des doutes en voyant que l'écriture de cette lettre était différente de celle de leur fils. Mais ils se dirent en eux-mêmes que, s'il y avait un mensonge dans la rédaction de la lettre, il ne pouvait y en avoir dans l'envoi de l'argent qu'ils venaient de recevoir, et que peut-être leur fils se portait bien. Dès ce moment, ils ne songèrent plus à faire remarier leur bru. Quelque temps après, le fils revint en effet, et les deux époux se trouvèrent réunis. Ying entendit une autre fois un démon qui disait « Je devais prendre possession du corps de cette femme, mais, par malheur, ce bachelier a détruit mes espérances. Pourquoi ne pas le plonger dans le malheur ?» lui dit un autre démon. Le maître du ciel répondit-il, voyant que cet homme avait l'âme vertueuse, a ordonné qu'en récompense de ses bienfaits secrets, il deviendrait président d'un tribunal suprême. Comment pourrais-je le plonger dans le malheur? Dans la suite, Ying fut élevé en effet à la dignité de Shangshu. Cet homme fut ainsi récompensé pour avoir sauvé une femme d'un danger imminent et avoir conservé l'un pour l'autre deux époux qui s'aimaient tendrement. On voit, par ce qui précède, qu'il faut faire le bien en tous lieux. Si vous faites de bonnes actions,